Attends, oh, encore, vas-y, t'as encore quelques trucs, tu peux y aller. Encore une sur. Je voulais juste parler d'Apoula Edel. Apoula Edel, quand même. Moi, je regardais le match Brest-Paris-Saint-Germain, hein, par hasard. Et puis, à un moment donné, il y a eu un tournant. Brest-Paris-Saint-Germain, sorti de Grégory Coupé. Et là, retour d'Apoula Edel. Et là, je me dis, c'est un signe. C'est la résurrection. C'est vrai, c'est le Christ, il a été crucifié, Apoula Edel. Et là, il revient. En plus, c'est le dimanche de Pâques. Tu te dis, c'est un signe. C'est Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Christ. C'est vrai, c'est pas tout à fait faux. Le seul problème, c'est que quand il a été ressuscité, Jésus, il avait des trous dans les mains, quand même. Et donc, voilà, le problème, c'est que pour un gardien, c'est emmerdant. Chanson. Chanson, je peux en faire deux. Hein, parce allez, que vas-y. Je pense que ça va être long. Non, mais trois, tu peux faire les trois, si tu veux. Faire une, j'en ai une sur Obraniak, elle est inchantable. Hein. Alors, attendez une petite seconde. Allez, concentre-toi. Ouais, je me concentre parce que... Mets-toi en face du micro aussi, c'est mieux. Je me mets en face du micro, je vais tout péter. Est-ce que vous êtes prêts, les filles? Oui. Attention. Merde, attendez, je suis perdu. Gilbert, t'as pas une petite annonce à faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas à vendre un truc, un t-shirt? Ah si, il faut que j'annonce les gagnants des parodies RMC. Tu veux que je le fasse maintenant? Vas-y, fais-le. Pour une imitation de Coach Courbis, Guillaume gagne une PSP. Et oui, ça s'est passé sur le site web d'RMC pendant près d'un mois. Le deuxième prix, une PSP également pour une imitation de l'after de Guigui et Flo. Et le troisième prix pour une imitation de l'after également par Stéphane. Très bien. Bravo à vous les gars, une PSP pour chacun. Bravo, merci les gars de m'avoir fait patienter. Alors maintenant, on va se faire une petite chanson sur un mec qui est vraiment un vrai gars de chez vous, c'est Ludo Obraniak. C'est un mec qu'on a dans le slibar. Je sais pas, j'ai pensé à un hard rock pour lui parce que voilà, ACDC quoi. Allez, c'est parti. Oh là là. Aouh. Obraniak, il est baraque. Il a tous les tatouages d'un beau black. Il claque super shoes à belle bagouze. On dirait Matt Pokora sur la pelouse. Tu t'en t'attaques, c'est ta jambe à toi qui craque. Ramasse tes œufs, c'est plus dimanche de Pâques. Un goldorak façon Polak. Quand il tente un dribble, c'est le défenseur qui fait une flaque. Obraniak. Assez Obraniak. Merci pour lui. J'avoue que... J'en fais pas souvent en hard rock. Hein. Ah oui, là, je devrais pas la faire en premier, en fait. Oh, dis donc, la voix, là, tu l'as pété, là. C'est énorme, là. Ah là, parce que... Je peux pas faire du simpre, après. Hein. Concerto pour une voix, c'est mort. Hein. Alors, attention, maintenant... Et maintenant, j'ai envie de chanter disco, j'ai envie d'être italien ce soir en hommage à Daniel. Enfin, Tati Daniel, comme on l'appelle maintenant. Tu sais, il est un peu vénère. Non, mais Tati, en hommage à Francesco Tati, ton idole, Daniel. Celui-là, il va te coller aux arpions, je te préviens. Hein. Tati Daniel. Annoncé qu'on double. Ah, Tati Daniel, vu le caractère. Alors, attends. Bref, alors, cabaye. Attention, c'est parti. Où est-ce que vous êtes là ce soir? Belle athlète, 1m87, si tu comptes sa crête. Du droit, du gauche, indice à la platoche, mets en forme ma poche. Merde, j'ai perdu le disque. J'ai perdu les paroles. Bon, il faut que tu recommences. Je la recommence, les mecs. Allez. Ouais, soyez sympas, vous avez donné une deuxième chance à plein de joueurs, alors pourquoi pas moi, quoi. Alors, vas-y, c'est parti. Putain, c'est nul, ces ordinateurs. Non, reprends. Allez, c'est ça. Ouais. Attends, ce soir. Non, c'est bon, déjà fait. Belle athlète, 1m87, si tu comptes sa crête. Du droit, du gauche, indice à la platoche. Mets en forme à poche. On est tous fans de Johan Cabaye. Il est si mimi. On est tous fans de Johan Cabaye. Il est du Nord, pas du Pas-de-Calais. Cabaye, bye bye. Des coups francs dans la lucarne. Cabaye, bye bye. Et une Renault Mégane. Cabaye, bye bye. Entre Iniesta et Xavi, cabaye, bye bye. Sauf que lui, c'est un ch'ti, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Merci pour lui. Merci. J'en ai une dernière. J'en ai une dernière avec une chanteuse belge, tant qu'à faire, un minimum. Annie Cordy. C'est un voisin. C'est Muriel Dac avec Tropic pour. Oh putain. Oh là là là. Oh t'es dur. Ah, vous allez... Je sais qu'il est tard, mais quand même. Mais ouais, t'es... Ah ouais, non, mais y a pas de limite. Hein. C'est t'as un biscuit ou quoi ? Faut trouver qui c'est le joueur. Allez-y, c'est parti. Un beau gosse entre en jeu, Georges Clounet, mais en mieux. Mmh. Wow, c'est Fro. Oui, c'est vrai, il y a un souci, son essai. Un quart de brie. Wow, c'est trop. Quand il tente un dribble dans la surface de réparation, il laisse sur place les adversaires et le ballon. C'est dommage. Frotter un buteur débloque le compteur. Frotter un buteur, là tu me fais peur. Eh oui. Ah, il déboule, il accélère. Ah oui, c'est magnifique, il est tout seul devant le dernier. Mais merde, la balle, elle est où la balle? Oh, oh Pierre Alain. Ah, c'est trop con, merde. Fro. Fro. Fro. Fro. Fro. Fro. C'est pas fini. À Paris et à Lyon, t'as été un champion. Wow, c'est faux. Il a pas d'équivalent pour les citrons à la mi-temps. Wow, c'est faux. Allez. Un buteur débloque le compteur. Frotter un buteur. Non mais là tu me fais vraiment peur. Allez, merci pour lui, au revoir.